Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande Jeanne Moreau. Je me suis découvert graduellement une vraie passion pour le cinéma. Pour moi, vraiment, le cinéma est un miroir magnifique, même s'il est quelquefois déformant. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus en prise directe avec l'existence du monde. Jeanne Moreau, à l'émission Parlons cinéma en 1976. La carrière de Jeanne Moreau au cinéma va s'étendre sur 7 décennies. Jeanne Moreau tournera avec les plus grands réalisateurs, Louis Malle, François Truffaut, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Louis Buñuel, André Téchiné, François Ozon. On pourrait continuer comme ça à l'infini. Au fil du temps, Jeanne Moreau finira par occuper une place à part dans ce magnifique miroir déformant du cinéma dont elle parlait il y a un instant. Vous ne pouvez plus aller dans les cafés? Si. Oh. Ah, je peux aller partout. Dans Paris, vous vous baladez? Je vous assure. Parce que j'ai pas envie de me cacher. À partir du moment où je n'ai pas envie de me cacher, je suis comme tout le monde. À partir du moment où je suis comme tout le monde, les gens peuvent penser à une vague ressemblance. Et les gens qui me ressemblent n'ont pas envie de me déranger, parce qui me reconnaissent n'ont pas envie de me déranger. Je peux faire ce que je veux, je vais partout. Vous avez une faculté comme ça de ne pas apparaître Jeanne Moreau? Absolument, moi j'ai pas... Ou bien vous voulez dire que vous êtes Jeanne Moreau et que ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas d'importance. J'ai pas un physique retentissant, quoi. Les gens me voient sans me voir. Et quelquefois ils me voient, mais ça n'a pas d'importance. Vous ne lisez jamais les articles sur vous? Accidentellement. Vous n'allez pas voir vos films? Rarement. Vous ne voyez pas les rushs? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sur l'écran, ça suffit. Jeanne Moreau, interviewée par Marguerite Duras à l'émission Le sel de la semaine en 1966, pour nous présenter cette incontournable figure du 7e art qu'a été Jeanne Moreau. Je reçois le chroniqueur cinéma Michel Coulombe, un ami de l'émission. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. Au-delà de la durée exceptionnelle de cette très, très longue carrière, 7 décennies, là, c'est quand même plus que considérable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette carrière-là? Quelle place elle occupe, Jeanne Moreau, dans l'histoire du cinéma français? Jeanne Moreau est une femme moderne, une héroïne moderne, une actrice moderne. Ça a été effectivement au cinéma une femme qui s'est abandonnée au désir, au regard des cinéastes. Elle disait qu'elle arrivait là comme une boîte vide et elle voyait ce qu'on pouvait faire d'elle. Après, elle avait quand même du tempérament et c'est aussi quelque chose qu'il faut garder de Jeanne Moreau. Elle était tranchante. On disait pas madame, on disait mademoiselle. Ouais. Si on lui disait, vous êtes une intellectuelle, vous lisez beaucoup, car elle disait énormément, elle disait non, je suis intelligente, pas intellectuelle. Ouais. Je suis pas féministe, je défends les droits des femmes. Bon, elle avait comme ça des idées très précises sur la vie. Ouais. Et c'était une sacrée actrice. Vous estimez, Michel Coulombe, que c'est l'une des plus grandes. Pourquoi est-ce que c'est une aussi grande et aussi bonne actrice? Parce qu'elle a cette présence à l'écran. Parce qu'elle a cette voix particulière, une voix très sensuelle au départ, plus rocailleuse vers la fin. Mm-hmm. Parce qu'elle a cet abandon au cinéma, parce qu'elle a pris des risques. Les rôles qu'elle a joués, effectivement, étaient parfois choquants pour certains spectateurs. Et ça ne la dérangeait aucunement. Elle voulait aller là, elle y allait. Mm-hmm. Elle a accepté des rôles secondaires parce qu'ils lui paraissaient intéressants. Elle a refusé des rôles principaux parce qu'ils lui paraissaient donner une image de la femme qu'elle ne voulait pas véhiculer. Elle avait comme ça une idée sur les choses et c'est ce qui fait qu'elle a une œuvre. Les acteurs n'ont pas tous une œuvre, hein. Mm-hmm. Mais elle, au total, ne serait-ce que parce qu'elle a fréquenté tous ces cinéastes, elle avait effectivement constitué une œuvre. Mais elle y participe en les choisissant, ses projets et ses cinéastes. Oui. C'est un pur hasard. Elle a une politique d'auteur qui n'est pas forcément d'aller vers des gens consacrés, par exemple Louis Malle, qui en était à ses débuts, mais d'aller effectivement vers des cinéastes qui lui paraissent avoir quelque chose à dire, quelque chose à montrer. Et là, elle est de l'aventure. Un mot sur la femme, sur la beauté de Jeanne Moreau, qui est une beauté particulière, Michel. Il faut dire qu'à ses débuts au cinéma, elle a commencé au théâtre, mais rapidement, elle a fait des films à partir de la fin des années 40, Julien Duvivier, cinéaste français, lui a dit « Avec la gueule que vous avez, vous ne ferez jamais de cinéma. » Et donc, pendant toutes les années 50, on va la surmaquiller pour adoucir ses traits, les régulariser, faire d'elle une beauté plus standard parce qu'elle avait un visage effectivement particulier. En fait, c'est plus ce qu'elle dégage. C'est pas une beauté plastique. C'est pas un canon, disons ça comme ça. C'est plus, ça se discute. Mais c'est de la sensualité. Mais c'est de la sensualité. C'est quelque chose de charnel. Il se passe quelque chose quand elle est à l'écran parce que elle a ce talent des acteurs de cinéma d'exprimer beaucoup de choses en faisant peu de choses. Ouais. Ça, c'est un immense talent. On appelle ça l'intériorité, on appelle ça effectivement la grâce. Elle avait tout ça. Ouais. Avant de revenir au cinéma, un petit détour par le théâtre, parce que d'abord, c'est là qu'elle commence, et parce que ce sera important pour elle, mais durant toute sa vie. Quelle place ça va occuper le théâtre dans la vie de Jeanne Moreau? C'est ce qui la lance. En 1947, déjà, elle est au Festival d'Avignon, des apparitions, mais néanmoins, elle fera la Comédie française et ce sera le cœur de sa discipline. Pendant 4 ans, je crois que c'est 27 rôles, elle va acquérir là une discipline qui va la suivre toute sa vie. Hélas pour elle, son père la verra en première page d'un journal et la répudiera littéralement. Ils seront 4 ans sans se parler parce qu'il comprend qu'elle fait du théâtre contre sa volonté. Ouais. Sa mère était favorable, son père ne l'était pas. Elle va ensuite travailler avec le théâtre de Jean Villard, le TNP, et donc donner la réplique et vice-versa. Mais à Gérard Philippe, ce qui est quand même quelque chose d'important, parce que c'était une très grande vedette, Gérard Philippe, à l'époque. Et donc, elle va se constituer là une carrière d'actrice, une présence d'actrice. Et elle va revenir au théâtre plus tard dans sa vie. Le récit de La Servante Zerline, par exemple, un Molière, mais c'est une pièce qu'elle a jouée dans 11 pays. Donc, vous voyez encore là un succès théâtral, une vraie présence théâtrale. Elle va jouer comme ça tout au long de sa vie sur la scène parce qu'il y a là un rapport au public qu'évidemment, on ne trouve pas au cinéma. Voilà, et qu'elle le cherchera toute sa vie. C'est précieux pour elle, ce rapport-là. Au cinéma, ça commence quand et comment? Ben, ça commence en fait dès la fin des années 40 par des rôles secondaires, puis bon, des présences et pas les meilleurs cinéastes. Après, elle sera généreuse à l'égard de ces films qu'elle va condamner au départ. Puis après, elle dit bon, elle a une certaine tendresse en disant oui, c'était bien. Elle va par exemple donner la réplique à Jean Gabin dans Touche pas au Grisby. Donc, des films qui sont correct, mais sans plus. Mais le point de démarcation, la ligne qui fait que tout va basculer, c'est Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Ça a été un virage absolument extraordinaire. J'ai tourné beaucoup de films avant de tourner ce film Ascenseur pour l'échafaud et j'avais tourné auparavant un film de cap et d'épée qui avait eu énormément de succès qui s'appelait La Reine Margot en couleur et tout. Costume sublime. Et puis, j'ai joué au théâtre, j'ai toujours joué régulièrement au théâtre, j'ai joué La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Et c'est pendant ces représentations que ce jeune metteur en scène, Louis Malle, qui n'avait jamais tourné, qui avait été le caméraman de Cousteau dans Le Monde du silence, il est venu et il m'a dit, voilà, je veux tourner un film. Il m'a présenté son producteur, qui est aussi jeune que lui, il m'a présenté son scénariste, qui était un fameux écrivain, Roger Limier, qui malheureusement est mort dans un accident de voiture. Et tout d'un coup, on m'a expliqué qu'on allait tourner caméra à la main, pas de maquillage, petite équipe et tout. J'avais changé d'imprésario. Et cet imprésario-là, je lui dis, voilà, formidable, j'ai un film superbe, Ascenseur pour l'échafaud. Il me dit, vous êtes folle, vous allez complètement briser votre carrière, c'est ou lui ou moi. Ben, j'y sais vous. Au revoir. Il n'avait pas senti ça et c'était le début de la nouvelle vague. C'était cette nouvelle façon de tourner, c'était cette liberté, c'était tourner dans des décors naturels. Et c'est Jeanne Moreau, à l'émission Superstar en 1984. Quelle importance ça va avoir, ce film pour elle, Ascenseur pour l'échafaud, Michel Coulombe? Ce sera déterminant parce qu'à partir de là, effectivement, tous les cinéastes voudront travailler avec elle, mais on lui a, elle le disait, enlevé son maquillage. On la maquillait à peu près pas, donc on lui a, disait-elle, ôter son masque. Ouais. Elle est devenue Jeanne Moreau plutôt que d'être une actrice qu'on promène à gauche, à droite. Là, elle a affirmé sa personnalité. Et puis, ce tournage en décor naturel, c'est cet abandon d'une femme, son personnage, donc, dans les rues. On la voit marcher, un peu folle. Mais elle tourne à l'insu des gens dans la rue, se disant, et c'était ça le principe pour Louis Malle, que si on la regardait, c'est qu'on regardait cette femme un peu étrange qui marchait dans la rue. Sur la musique de Miles Davis, on a beau dire, mais ça fait forte impression. Et à partir de là, elle travaillera avec Jacques Demy, Louise Buñuel, Truffaut et compagnie. On verra chez elle, effectivement, une actrice qui se démarque. Ouais. Mais tout de suite après cette première collaboration avec Louis Malle pour l'ascenseur, pour l'échafaud, elle va tourner à nouveau avec Louis Malle dans un film, Les Amants, qui va faire scandale. Pourquoi, Michel? Il faut dire aussi qu'elle est Madame Louis Malle et qu'il est Monsieur Jeanne Moreau, c'est-à-dire qu'ils forment un couple à cette période-là. Elle aura comme ça quand même des relations avec bien des hommes, notamment des cinéastes avec lesquels elle travaille. Pas tous, précise-t-elle, parce que ça en ferait quand même beaucoup. Mais là où ça fait scandale, c'est une histoire d'une femme bourgeoise qui s'ennuie, qui a un amant, mais qui rencontre un autre homme. Et c'est cet autre homme avec lequel elle aura une relation charnelle sous le toit conjugal. Et normalement, quand on filme ce genre de scène-là, on évoque l'idée que les gens sont allés au lit, puis après, on passe à autre chose. Là, pendant 2 minutes, on s'est arrêté sur ces corps qui sont nus, donc visiblement, ils ne jouent pas aux cartes. On les voit au lit, on les voit dans une baignoire. Et ça, ça a fait scandale. Ouais. Parce que la chose n'était pas montrée à l'époque. Fin des années 50, hein, pour le rappeler. Fin des années 50. En fait, c'était début des années 60. Le film a été présenté au Festival de Venise. On a parlé de sacrilège. On a parlé d'excommunication, littéralement. Il a été jugé immoral. Et il y a eu ce formidable parfum de scandale qui a donné au film, effectivement, des ailes. On voulait, même si on disait le contraire, voir absolument ses amants qui brisaient certains tabous par rapport à la représentation de la sexualité. Alors, ces amants, ils font grand scandale au moment de la sortie du film. Vous disiez, puis parlons-en un petit peu plus de Jeanne Moreau, qui à ce moment-là est avec Mme Louis Malle. Il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres. Quel est son rapport aux femmes? Il y aura une réputation autour de Jeanne Moreau, on va dire, c'est une croqueuse d'hommes. Quel rapport elle entretient avec les hommes? Elle disait quand même qu'elle vivait un peu comme un homme. Donc, oui, elle était mariée 2 fois. La première fois que Jean-Louis Richard, il faut dire, hein, c'est un peu particulier comme situation. Elle se marie et le lendemain, elle accouche. Alors, vous voyez qu'elle s'est mariée légèrement obligée. Ouais. Après, elle ne sera pas vraiment une mère. Hein, c'est une chose avec laquelle elle ne sera pas composée. Elle se remariera dans les années 70, à la fin des années 70, avec un réalisateur américain, William Friedkin, le réalisateur notamment de L'Exorciste. Et lui voudra qu'elle soit Madame Friedkin. Elle devait faire des films sous le nom de Jeanne Friedkin. Bon, ça a tenu 2 ans, elle n'a pas travaillé pendant cette période-là, elle a vécu à Los Angeles, et puis elle a compris que ce n'était pas pour elle. Alors, pour le reste, elle a été une femme indépendante, une femme qui a mené son destin, se disant, quand elle a terminé sa vie avec Friedkin, elle s'est retrouvée, mais vraiment sur la paille, il l'a ruinée complètement. Donc, elle disait, ben là, on m'invite dans différents festivals pour des hommages, des rétrospectives et tout. Et tant mieux, parce qu'on me paie des grands hôtels, on me paie des limousines, mais je pourrais rien payer d'autre. J'ai pas un sou. Ouais. Et elle s'est refaite tranquillement. Donc, son rapport avec les hommes, ça a été aussi ça, de se dire que, bon, il y aura toujours de nouvelles aventures. Elle se méfiait de plus en plus de la passion quand on lui en parlait. Elle disait l'amour, c'est autre chose. C'était effectivement une femme amoureuse. 1960, elle tourne un film Moderato Cantabile avec Peter Brook. Ça va lui valoir, Michel Coulombe, le prix d'interprétation au Festival de Cannes, ce film-là. Oui, et ce sera le début de sa longue relation avec Marguerite Duras. Elles vont se brouiller dans les années 70, cesser de se parler. Mais néanmoins, son rapport avec Duras, c'est ce film de Peter Brook, puisque c'est inspiré de son œuvre, un film qu'elle va faire Nathalie Granger sous la direction de Marguerite Duras, L'amant, dont elle sera la narratrice, et donc c'est une œuvre de Duras, et cet amour-là, à la fin de sa carrière, où elle va jouer Marguerite Duras, elle va être plus vraie que vraie, même si elle fait des tas de choses qui ne sont pas du tout Duras dans dans l'apparence. On y croit, on la sent, et elle va même enregistrer un disque avec Duras, une conversation avec elle, et puis chanson d'India Song. Alors, vous voyez, c'est une longue relation. Ouais. Elle aimait les auteurs, elle a eu une relation importante avec, par exemple, Tennessee Williams, avec Arthur Miller, avec Patricia Highsmith. C'était une lectrice, donc elle connaissait Anaïs Nin, c'était sa grande amie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans le monde des livres, dans le monde des auteurs, des créateurs. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Julie Jim, ça s'est passé d'une façon très harmonieuse. C'était un tournage où il y a eu en fait des difficultés financières, où on a tourné sans ingénieur du son. C'était un film, comme on appelle maintenant, on dit ça, faire un film à l'économie. Mais nous, il y avait une joie de vivre qui s'est surtout sentie dès que nous avons quitté Paris, où il y avait quelques séquences. Et quand nous avons tourné dans les Vosges, et puis après, nous avons tourné dans le midi de la France, à côté du plan de la Tour, et puis aussi sur une plage à Saint-Tropez. Très vite, on a eu la certitude qu'on faisait un film important, mais important pas d'une façon grave, important, joyeux. On faisait un film, on était heureux de faire un film qui allait être un joli film. On était très joyeux. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Extrait de l'émission « Question de notre temps » diffusée en 1986. Vous avez reconnu probablement cette chanson « Le tourbillon de la vie » interprétée par Jeanne Moreau. Jeanne Moreau qui parlait donc dans cet extrait du film et du bonheur que ça a été ce film pour elle, Jules et Jim. C'est votre film préféré de Jeanne Moreau. Michel, pourquoi? Parce qu'elle est sublime. Ouais. Parce que c'est ça, Jeanne Moreau. Cette grâce hein, de... Bon, cette fameuse chanson, mais il faut dire qu'elle allait plus loin que ce qu'elle vous a dit, hein, sur ce qu'elle nous a dit sur sa participation dans le film. Elle faisait la cuisine pour toute l'équipe. Elle a mis de son argent, mais aussi elle se disait, ben il n'y a pas de cantine, alors je vais le faire. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un, je crois, qui n'a pas aimé son rôti, puis elle a dit, bon, ben, ça va faire. Mais elle a fait ça à plusieurs occasions. Elle s'occupait des gens, elle prenait en charge l'équipe, elle était là pour les autres, ouais. Parce qu'elle aimait le tournage. Cela dit, sur ce tournage, en voiture, elle chantait des chansons qu'elle connaissait. Et parmi ces chansons, il y avait « Le tourbillon de la vie » qu'on avait écrit pour elle, mais qui n'était pas une chanson connue. Là. Ça n'existait que dans sa vie privée. Et Truffaut s'est dit « Non, mais il faut absolument enregistrer ça. » C'est devenu effectivement cette chanson culte. Elle l'a par la suite enregistrée. Et on n'oubliera jamais, en 1995, au Festival de Cannes, ce moment, mais merveilleux, où Vanessa Paradis, sur scène, vient chanter le tourbillon de la vie. Pour moi, c'est un moment bouleversant. Et il y a là Jeanne Moreau dans la salle. Elle se penche vers elle, elle se tienne la main, le chante ensemble, et elles font l'histoire. Voilà. Ce qui frappe, on y revient, c'est, et ça aussi, ça fera l'histoire, et ça fera partie de la grandeur de sa carrière, c'est cette succession de réalisateurs avec lesquels elle va travailler. Les plus grands réalisateurs vont travailler avec Jeanne Moreau. On l'écoute rendre hommage à l'un de ses très grands réalisateurs, Orson Welles, au moment où il meurt en 1985, une entrevue qu'elle donne à l'émission Présent. Vous allez voir, elle parle d'Orson Welles, mais d'autres aussi. J'ai appris cette nuit la mort d'Orson Welles. Je vais vous dire, j'ai un immense chagrin. Je pense que toute vie est comme un paysage. Il y a des points forts dans ce paysage, il y a de grands arbres. Et ces dernières années, les grands arbres dans mon paysage commencent à être abattus. Je veux dire, il y a eu d'abord Don Luis Buñuel. Et puis, l'année dernière, le 18 octobre, François Truffaut. Et puis maintenant, Orson. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon, bien sûr, c'est long, 70 ans de carrière, mais ça reste exceptionnel. Le nombre de grands réalisateurs avec qui elle va tourner, elle tourne avec à peu près tous les grands réalisateurs, Michel. Avec plusieurs d'entre eux, effectivement. Orson Welles l'avait vu mais à ses débuts. Elle jouait une prostituée dans Othello, donc un petit rôle, et il l'avait remarqué. Après quoi, il va tourner quelques fois avec elle, d'abord dans Le procès, et il va dire d'elle, tout simplement, c'est la plus grande actrice au monde. Ouais. Donc, Rien de moins. Il la vénérait. Elle va d'ailleurs avoir, puisque sa mère était anglaise, elle parlait parfaitement anglais, donc elle aura aussi une carrière en anglais, donc tournera parfois aux États-Unis, notamment Le Dernier Nabab d'Elia Kazan, mais elle ira aussi tourner avec un grec, Théo Angelopoulos, elle tournera avec un Allemand, Fassbinder. Ouais. Elle avait cette ouverture d'esprit et les auteurs voyaient chez elle effectivement cet être disponible, cette actrice qui était prête à entrer dans leur univers. Elle tourne avec des réalisateurs qui sont déjà consacrés, mais elle tourne aussi toute sa vie. Elle va aussi se tourner vers les plus jeunes, vers ceux qui poussent. Oui, à la toute fin de sa vie, il y avait une collection que la télévision française développait depuis des années, où on fait une série de courts-métrages autour d'une thématique. Ben, la thématique, et c'est une jeune réalisatrice qui tournait, ça a été une année, donc vraiment à la toute fin de sa vie, dans les années 10, là, Jeanne Moreau. Et donc, elle a fait un court-métrage avec Gérard Depardieu, hein, avec tel autre acteur et tout. Donc, elle a fait comme ça, vraiment œuvre utile de lancer une cinéaste et de dire, voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, faisons avec elle une série d'expériences. Elle a développé effectivement le talent des jeunes auteurs à Angers, hein, s'associer donc à l'écriture, à la création de nouveaux artistes, à la mise au monde de nouveaux artistes. Elle était très préoccupée par ces questions de création. Ouais. C'était chez elle une obsession. Quand on regarde toute sa filmographie, il y en a beaucoup de films dans cette filmographie, Michel Coulombe. Est-ce qu'il y a des lignes de force, des thèmes récurrents? Est-ce qu'il y a un type de rôle qu'on lui présente surtout? Ben, des femmes très libres. Ça, c'est certain. On a ça chez Louis Malle, bien sûr. Des femmes adultères, des prostituées, des tenancières de bordel, des femmes qui n'ont pas leur langue dans la poche. La vieille dame qui marchait dans la mer, donc le film qu'elle a fait, qui lui a valu un César. Il faut entendre les dialogues entre elle et Michel Serrault, ouais, qui se traitent de momies et d'ordures. C'est d'une drôlerie. Elle savait, comme ça, avoir cet abandon et se dire que ben, c'est du cinéma, on y va. Ouais. La voix, on n'en a pas encore parlé, on l'a entendu, sa voix, on l'a entendu chanter, on a entendu des extraits en entrevue, mais et plus le temps va passer, plus cette voix-là, j'ai l'impression, va prendre le dessus sur à peu près tout le reste. Mais parlez-moi de cette voix si unique. Ben, sa voix deviendra une forme de personnage. Ouais. Bon, c'est tout simple, hein? C'est une voix de fumeuse. Donc, bon, tranquillement, il y aura un grain qui s'installera dans la voix et deviendra effectivement très particulière et elle en jouera beaucoup. On l'imitera, évidemment, au Québec, on l'imitera également en France. Elle se moquera de tout ça parce que ben, c'est son instrument, mais effectivement, si vous voulez en rire, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je suis Jeanne Moreau. Ouais. Que dire? Qu'est-ce qui reste de cette grande figure? Ben, une artiste complète. Plusieurs disques, parce qu'elle a enregistré de nombreuses chansons, notamment des chansons qu'elle a écrites. De la réalisation aussi, elle fait deux longs-métrages, Lumière et l'adolescente, sur des univers féminins. D'ailleurs, Truffaut n'était pas très content hein, qu'elle aille vers la réalisation. Il trouvait que non, c'est un peu... Non, une actrice ne fait pas ça. Alors qu'Orson Welles l'encourageait. Ouais. Vous voyez, donc, y avait ça... 150 rôles au minimum, cinéma-télévision, notamment ce qu'elle a fait ces dernières années avec José Dayan, avec lesquels elle a tourné des grandes œuvres genre Les Misérables et compagnie, ouais, là, Les Rois maudits. Donc, vous voyez là une présence aussi à la télévision. Et puis, tout ce qu'elle a fait au théâtre. On regarde la somme et on se dit cette femme était infatigable parce que de 1947 à plus ou moins 2015... Elle travaille. Elle est là sur tous les fronts. Ouais. Et puis si on ferme une porte, moins de cinéma peut-être, on fera de la télévision, on fera du théâtre, on ira ailleurs, on s'ouvrira aux jeunes auteurs, on ira vers la création. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma, habitué de l'émission, comme toujours, c'était un bonheur. Merci Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.